chose. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Dieu ne t'a pas oublié, ma sœur. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais Dieu te dit, quand bien même une femme oubliait l'enfant qu'elle allait, lui ne t'oubliera jamais. Même si les hommes de ce monde t'ont oublié. Ma sœur, je sais que tu as fait du bien. Tu as rendu d'énormes services aux gens, mais ces gens ne sont pas reconnaissants. Ça ne fait rien. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu va te récompenser. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Romains chapitre 14, 13 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte du jour, dans le cadre de notre émission de prière OSB, c'est Romains 14, 13 à 23. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce texte. La première vérité est celle-ci. Évitez d'être une occasion de chute ou de scandale pour les autres. Dans notre comportement en tant que chrétien, il y a des choses dont nous devons nous abstenir tout simplement parce que ça peut devenir une occasion de chute pour les autres. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Toi, tu es ancien de l'église, tu es diacre dans l'église. Est-ce que tu ne vois pas que le fait de fréquenter ces maquis où la plupart sont des gens, des prostituées qui vont. Même si tu dis que tu vas, c'est pour prendre la sucrerie. Est-ce que tu ne vois pas que le fait de fouler tes pieds dans ces lieux-là, ça peut devenir une occasion de chute, tu vois? Donc, il faut t'abstenir de cela. Je parle à quelqu'un, mon ami. Toi, tu aimes beaucoup l'alcool, tu aimes le vin. Quand tu bois, tu dis, oui, je ne peux pas manger sans prendre un peu de vin, un peu d'alcool. Mais pour les chrétiens qui sont faibles, lorsqu'ils trouvent un responsable, un homme de Dieu à table avec, je ne sais pas, le vin, avec je ne sais pas quel pourcentage d'alcool, parfois ça peut le scandaliser parce qu'il est faible. Alors, tu peux t'abstenir de cela si tu vois que ton comportement devient un sujet de scandale. Peut-être que toi, tu ne t'enivres pas. Mais celui qui est jeune dans la foi, membre de l'église, lui, il va commencer à boire jusqu'au niveau de s'enivrer parce qu'il t'a vu toi boire, tu vois. Donc, tout ce qui constitue une occasion de chute est à proscrire dans notre marche chrétienne. C'est ce que Paul veut dire ici, au verset 13. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Vous voyez? C'est pourquoi ici Paul l'applique au principe de manger d'aliments. Parce qu'il y a certaines personnes qui pouvaient manger n'importe quoi. Par exemple, les viandes sacrifiées aux idoles. Mais il y a des chrétiens d'origine païenne. Des gens qui se sont convertis, ils savent que, en tout cas, toutes ces viandes-là, ils ont laissé des trucs, des invocations, des paganismes. Alors, si toi maintenant tu manges cette viande-là à leur présence, ils sont scandalisés. Alors, Paul est en train de dire, même si tu as la foi, tu dis que, bon, moi, je connais que telle chose n'est pas bien, mais si l'autre qui est faible, dans son arrière-plan, il est scandalisé, il faut t'abstenir de cela. Deuxième vérité, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit ici, au verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui attachent beaucoup d'importance au manger, à la nourriture, mon ami. Écoute-moi bien. Même lorsqu'on te demande de jeûner, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas résister lorsque tu vois un poulet braisé ou je ne sais pas, la carpe braisée, un aliment. À un moment donné, tu dois apprendre à développer l'homme intérieur. Ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Mais ici, ce qui doit nous intéresser, c'est développer l'homme intérieur. Et le développement des fruits du Saint-Esprit fait partie de la maturité spirituelle. C'est ce que Paul veut souligner ici. Que ce qui doit préoccuper les chrétiens, c'est les fruits de l'Esprit. Ici, il en mentionne deux. Il dit, le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Quand nous lisons Galates 5, verset 22, nous voyons d'autres fruits de l'esprit. La joie, la paix, la patience, la longanimité, la maîtrise de soi. Ce sont ces choses que nous devons développer. Et pour que ces fruits du Saint-Esprit se développent en nous, nous devons nous laisser conduire et remplir du Saint-Esprit. C'est ça qui doit préoccuper la vie d'un chrétien. Troisième vérité, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Vous voyez? C'est ça le principe dans la vie chrétienne. Le verset 19 dit, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Lorsque tu vois que ce que tu parles là n'édifie pas quelqu'un, il faut laisser. Je vais parler à quelqu'un, regarde-moi bien. Des causeries là, mon ami. Quand tu commences à causer sur des insanités, des causeries païennes, est-ce que ça édifie quelqu'un? Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, toi qui aimes la musique mondaine, tu dis oui, même si je suis chrétien, je dois écouter quand même certaines musiques. Mon ami, soyons sincères, il y a des musiques mondaines là, quand tu les écoutes, ça ne t'excite pas à adorer le Seigneur. Au contraire, ça transporte ton esprit dans le monde. Et ces musiques-là, non seulement que ça ne t'édifie pas toi-même, mais même les autres qui sont autour de toi, ça ne les édifie pas. Ça les fait retourner dans le monde. Il y a des musiques, lorsque tu les écoutes, tu te rappelles de comment tu sortais avec un amant, avec une amie. Alors, ça te ramène dans le monde. Alors, nous devons faire ce qui contribue à l'édification. Avant de parler, je dois demander, je dois me poser cette question. Est-ce que mes paroles vont édifier les gens? Est-ce que mes actes vont édifier? Parce que nous devons rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que si vraiment pour un aliment, mon frère n'est pas édifié, si à cause d'un repas que je mange, il y a des gens qui sont scandalisés, il faut s'abstenir, vous voyez? Ça c'est important. Paul va développer plus loin ses principes. Il dit par exemple, si on t'invite quelque part où les gens qui t'invitent ont fait des invocations, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Et que dans l'opinion, les gens savent que ces viandes-là, ce sont des viandes qui sont impures. Même si toi tu as la foi, tu dis que par le nom de Jésus tu vas prier, au nom de Jésus tu vas briser tout esprit méchant. Mais les milieux chrétiens, les jeunes chrétiens qui sont faibles là, ils savent que, en tout cas ces viandes sont des viandes sacrifiées. On a fait des incantations. Alors, à cause d'eux, à cause de leur foi, pour que tu ne sois pas un sujet de scandale, pour que leur foi ne soit pas choquée, tu dois t'abstenir. C'est pourquoi Paul dit ici, au verset 21, « Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin, de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. » C'est pour renforcer cette idée de l'édification. Mais il faut faire ce qui édifie les autres. Quatrième principe, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu vois, il y a des sujet pour lequel lorsque les gens, par exemple, t'invitent quelque part. Dans la Bible, peut-être qu'il n'y a pas un verset qui dit que tu ne vas pas dans une fête. n'allez pas ici, n'allez pas par là. Mais il y a une conviction intérieure. C'est comme une petite voix qui te dit, n'allez pas, ne mange pas. C'est ce qu'on appelle la conviction intérieure. Même quand on veut se marier, je vais parler à une sœur. Il y a un frère qui t'a demandé la main. Il dit qu'il est convaincu. Mais toi-même là, au fond de toi-même, tu ne sens pas que ce frère-là, c'est le frère que tu dois épouser. C'est ce qu'on appelle la conviction intérieure. Alors, Paul dit ici, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais au fond de toi, tu ne sens pas la conviction. Mais tu forces quand même. Ou peut-être parce que ce sont les autres personnes qui te disent « fais ». Lorsque tu fais et que tu as des doutes en toi, tu commets un péché. Vous voyez? C'est ce que Paul dit ici. Le verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous convier à chanter avec moi ces cantiques pour bénir l'Éternel qui nous donne ses révélations pour notre croissance et notre maturité spirituelle. Dieu s'est révélé. Alléluia. Glorifions le nom du Seigneur. Bénissons son saint nom. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu fidèle. Élevons nos voix. Tu es le Dieu juste, le Dieu qui sauve, le Dieu fidèle, le Dieu qui délivre. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment. C'est pourquoi nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oui, Seigneur, tu es digne que nous puissions chanter pour toi, que nous puissions te célébrer, car tu es Dieu. D'âge en âge, tu es le même. Oui, Seigneur, c'est pourquoi il est digne que nous puissions raconter tes merveilles jour après jour. Oh, sois béni, toi, le Dieu incomparable, le seul vrai Dieu, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur, le commencement et la fin sont toi. Le ciel et la terre passeront, tu les rouleras comme un vêtement. Mais toi, Seigneur, tes années ne passeront jamais. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions, parce que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Il est digne, ô Seigneur, que nous puissions te louer. On reçoit en ce moment l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière. Nous appelons cela OSB, Opération sous la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures. Et notre passage du jour, c'est Romains 14, 13 à 23. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. Ce passage nous dit que nous devons éviter d'être une occasion de chute pour nos bien-aimés. Tu vas prier le Seigneur. Peut-être que ton comportement devient une occasion de chute. Toi qui es même responsable au niveau de l'Église, il y a beaucoup de choses que tu fais. Des actes que tu poses, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être une occasion de chute pour les autres. Préserve-moi dans mes actes, dans mon comportement, au nom de Jésus. Très excellent Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Éternel Dieu, toi qui règnes dans les cieux, toi qui règnes sur la terre, tout l'univers a été créé par toi. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions. Nous disons merci Père éternel, parce que c'est grâce à toi que nous sommes enfants de Dieu. Tu as donné la provision de ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être transportés des royaumes des ténèbres dans le royaume de la lumière. Ce matin, ô Père éternel, tout en t'exprimant notre reconnaissance, nous prions pour nous-mêmes, pour notre marche chrétienne, pour notre notre engagement chrétien, pour notre foi chrétienne. Nous demandons au Père éternel que tu nous aides afin que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Nous prions au Père éternel et nous déclarons que toute attitude, tout comportement de notre part qui pourrait constituer un obstacle pour l'épanouissement spirituel des frères et des sœurs dans la foi ou un témoignage pour ceux qui ne sont pas dans la foi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous prions au Père éternel et nous demandons que le fruit de l'Esprit soit une réalité dans notre vie. Aide-nous au Père éternel à être un modèle, à être une référence dans tout ce que nous entreprenons. Nous prions Père éternel et nous demandons la force pour nous débarrasser des œuvres de la chair, que tout obstacle, toute opposition, tout blocage, tout orgueil soit ôté de notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions Père éternel pour ce privilège que tu nous donnes en tant qu'enfant de Dieu et pour ton Esprit Saint qui veille sur nous jour et nuit dans notre marche chrétienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous devons rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification. Souvent nous avons des problèmes dans nos églises parce que même parfois quand il y a des réunions, on ne se contrôle pas. Il y a des gens qui parlent, qui savent que ces paroles n'édifient pas les autres. Il y a des comportements que nous avons qui n'édifient pas les autres, qui ne contribuent pas à la paix. Je veux parler à une dame, écoute-moi bien. Ces derniers temps, vous avez des palabres avec votre mari. Parce que tu parles mal. Quand ton mari revient en retard, oui, c'est vrai qu'il a commis une faute. Mais tu ne dois pas lui parler comme on parle à un petit enfant. Il faut que tes paroles contribuent à l'édification. Mais ta manière de parler, ça excite ton mari à s'énerver. Hein? Il faut vraiment que tu pries le Seigneur pour qu'il te donne le calme. Pour qu'il te donne le fruit de l'esprit. Prions le Seigneur donc pour qu'il nous donne vraiment de poser des actes, des paroles qui contribuent à la paix dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans la société et à l'édification. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées. Louange à toi, Yahweh. Magnificence à toi, acclamation à toi, adoration à toi, célébration à toi, pour ta grandeur, ta puissance, ton élévation, ta majesté. Merci pour l'amour, merci pour tout. Louange à toi pour ta parole, parce que tu nous dis, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur, il nous faut ces qualités du fruit de l'esprit, les cultiver tous les jours. Il nous faut les manifester entre nous les hommes, entre monsieur et madame, entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs. Nous prions que la patience nous soit donnée, la maîtrise de soi nous soit donnée, l'amour nous soit donné, la paix nous soit donnée. Nous te demandons de nous conduire. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans la présence de ton Esprit, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Conduis-nous dans nos relations humaines, même dans les difficultés, même dans l'adversité. Tu es là avec nous. Conduis-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu vas prier le Seigneur et lui demander pardon pour toutes les fois où tu as fait des actes, tu as posé des actes où tu n'as pas été convaincu, peut-être par peur des autres. tu t'es dit, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que tel va penser? Alors que, au fond de toi, l'Esprit de Dieu t'a convaincu de ne pas faire cela. Tu es parti quelque part, dans une fête, où l'Esprit de Dieu t'a dit, ne va pas. Tu vois, c'est à partir de là que tu as commencé ce mot de ventre, ma sœur. Donc, repends-toi et le Seigneur va te guérir. Chaque fois que nous désobéissons à l'ordre du Seigneur, c'est là où il y a des problèmes qui arrivent. Prions le Seigneur qui nous aide vraiment à marcher selon la conviction du Saint-Esprit et à obéir à la voix intérieure de l'Esprit. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, ce matin, nous nous confions en toi. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons entièrement à toi. Parce que des fois, et plusieurs fois à l'intérieur de nous, ta douce voix nous a interpellés. Ta voix nous a interdit d'aller dans un lieu précis. Même dans un voyage, dans le choix que nous devrons faire, tu nous as avertis. Et nous n'avons point écouté cette voix d'habitude que nous avons l'habitude d'obéir. Et les conséquences aujourd'hui sont négatives. Les conséquences sont lourdes pour notre avenir, pour notre santé et même pour la vie que nous sommes en train de mener parce que cela est le fruit d'une désobéissance. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, purifie-nous, sanctifie-nous. Aide-nous, Seigneur. À qui irions-nous si ce n'est toi qui as les paroles de la vie? Prends pitié. Lave-nous et ramène-nous sur le bon chemin à prendre. Seigneur, que tout ce que nous avons fait et qui nous influençait négativement, Seigneur, brise ce mal à nous. Guéris-nous par nos fautes. Seigneur, soulage-nous, libère-nous. Et que, Saint-Esprit, nous soyons apaisés vis-à-vis de toi. Merci de nous tendre ta main et que nous aussi, oui, nous prenons cette main pour nous conduire vers nos lieux élevés, vers nos demeures célestes, vers nos bénédictions, vers les lieux de grâce et de faveur. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus, notre Rédempteur, notre Dieu que nous aimons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre rendez-vous bonheur conjugal pour les célibataires pour ce dimanche 13 mars 2016. À partir de 16h, nous aurons deux services comme d'habitude. Nous allons poursuivre le même thème. Une main puissante le forcera à te laisser entrer dans le mariage. Premier service à 16h, deuxième service à 18h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur.